Chapitre 15e. Le mois de septembre était venu, et bien que le temps fût détestable, le jeune duc de Chandos, accompagné de son fidèle Jean, était allé s'établir à Maison, où se trouvait son écurie de course. Son prétexte était qu'il tenait à surveiller en personne l'entraînement de 6 ou 8 chevaux engagés pour les courses d'automne, et dont un, qui lui coûtait 30 000 francs, avait quelque chance de gagner un grand prix. La vérité est qu'ayant eu une discussion avec Madame de Mussidan, il voulait essayer de la réduire par l'absence, ayant ouï dire au cercle que l'absence est pareille au vent qui attise les incendies et éteint les flammes légères. Il y avait 2 jours déjà que Norbert était à Maison, et il s'inquiétait de n'avoir pas de nouvelles de Madame de Mussidan, quand un soir, comme il surveillait le dernier repas de ses chevaux, on le prévint qu'un homme était à la porte des écuries qui demandait à lui parler. Il s'y rendit et trouva un pauvre vieux, bien connu dans le pays, qui vivait moitié d'aumône, moitié du prix de quelques commissions. « Que me veux-tu ? » interrogea M. de Chandos. Le bonhomme sortit à demi de sa poche une lettre qu'il montra en clignant de l'œil d'un air qui prétendait être fin. « C'est pour vous, cela, bourgeois, » fit-il. « Eh bien, donne. C'est que, bourgeois, on m'a recommandé d'attendre que vous soyez seul pour... Peu importe, dépêche. Enfin, puisque vous le voulez absolument... » Dans la pensée de Norbert, cette lettre ne pouvait venir que de Madame Diane. Les recommandations faites au commissionnaire décelaient les craintes d'une personne qui a de fortes raisons pour se cacher. Peut-être était-elle à Maison, à 100 pas de lui. À lui. Il jeta vivement un louis au bonhomme et courut se placer sous un des réverbères de l'écurie. Mais l'adresse n'était pas de l'écriture délicate et aristocratique de la comtesse de Mussidan. Les caractères lourds, empâtés, tremblés, trahissait une main de femme peu habituée à manier la plume, une main de cuisinière. Même il y avait une faute grossière, horrible, Chandos était écrit avec 2 S au lieu d'un C à la fin. « Qui diable peut m'envoyer cela ?» pensa Norbert. Il brisa le cachet, cependant. Le papier de la lettre était grossier comme l'enveloppe, graissé par places, et timbré à l'angle gauche de l'éternel et énigmatique baffe. L'écriture était odieuse, les fautes d'orthographe fourmillaient. Cette lettre disait « Monsieur le Duc, cela me fait bien de la peine d'être obligé de vous apprendre la vérité, mais c'est plus fort que moi. Il faut que je soulage ma conscience. Je ne peux pas supporter davantage qu'une femme soit assez sans cœur et sans honneur pour tromper un homme comme vous. C'est pour vous dire que votre femme vous trahit et se moque de vous avec un autre. Vous pouvez me croire car je suis une honnête fille, moi, et il vous est facile de vous assurer que je ne mens pas. Cachez-vous, ce soir même, dans un endroit d'où on découvre bien la petite porte de votre jardin, et entre 10h30 et 11h, pour sûr, vous verrez entrer le bien-aimé. Il y a longtemps qu'on lui a donné une clé. L'heure du rendez-vous est bien choisie, il n'y aura pas un domestique à l'hôtel. Mais je vous en prie, monsieur le duc, ne faites pas de bruit pour si peu de choses, je ne voudrais pas faire de tort à votre femme, celle qui se dit, etc., etc. » Il ne fallut à Norbert qu'un coup d'œil pour lire entièrement cette lâche et infâme dénonciation anonyme. Un flot de sang lui monta à la tête, et il poussa un cri, un rugissement plutôt, tel que les hommes de l'écurie se précipitèrent vers lui. « L'homme !» leur cria-t-il. « Où est l'homme ? Quel homme ? Celui qui vient à l'instant de m'apporter cette lettre. Qu'on court après lui, qu'on le cherche, qu'on le trouve, qu'on l'amène, vite, vite, vite, allez !» Moins d'une minute après, le bonhomme apparaissait, se débattant entre 2 palefreniers qui le traînaient fort brutalement. « Mais je ne l'ai pas volé » criait-il. « On me l'a donné, je suis prêt à le rendre !» Il parlait du louis que lui avait jeté Norbert. L'énormité de la somme avait inquiété sa probité. Il avait bien pensé qu'il y avait une erreur, mais comme il n'était pas sûr... Norbert comprit. « Lâchez-le » dit-il au palefrenier. Et s'adressant au vieux, il reprit. « Toi, garde ce que je t'ai donné, c'est bien à toi. » « Mais tâche de me répondre. Qui t'a remis cette lettre ?»« Je ne sais pas, mon bon monsieur, » répondit le pauvre diable encore tremblant. « Est-ce un homme ou une femme ?»« Un homme. Et tu ne le connais pas, bien vrai ?» Le bonhomme leva la main comme un témoin devant le tribunal. « Je ne l'avais jamais tant vu, » répondit-il. « Que cette pipe que je tiens m'empoisonne si je mens. » Il est descendu d'un fiacre, arrêté près du pont, sur le chemin au bord de l'eau. Je passais, il est venu à moi, il m'a dit « Tu vois bien cette lettre. Je vais te la confier. Quand 7h30 sonneront, pas une minute plus tôt, tu la porteras à M. le duc de Chandos, dont la maison est sur le chemin de la forêt. » J'ai répondu, « Je sais bien. Là-dessus, il m'a remis la lettre et 100 sous dans la main. Il est remonté en voiture et fouette cochée. Quelle heure était-il à ce moment? 4 heures environ. Norbert eut un geste de découragement. Il a vu un instant la vague espérance de rejoindre le fiacre sur la grande route. Et comment était cet homme? Dame, mon bon monsieur, il avait l'air d'un bourgeois. Il avait une grosse chaîne de montre en or à son gilet. Pour ce qui est du signalement, c'est un grand individu, c'est-à-dire pas trop petit, ni jeune ni vieux. Assez, tu peux te retirer, merci. En ce moment, la colère de Norbert, elle était des plus violentes, ne s'adressait qu'à l'auteur de cette vile lettre anonyme. Il ne pouvait croire, il ne croyait pas à une trahison de la duchesse. Il ne l'aimait pas, il la haïssait même, mais il l'estimait. « Ma femme, se disait-il, est une honnête femme, et c'est quelques filles de service qui pensent se venger ainsi d'une réprimande. » Cependant, il se remit à lire cette lettre odieuse. Il lui semblait que ce méchant style n'était pas naturel, mais laborieusement cherché. Puis il découvrait des dissonances. La partie relative aux indications ne ressemblait en rien au reste. La dernière phrase, « Ne faites pas de bruit pour si peu de choses », avait une intention railleuse marquée. « Est-ce bien celle qui a tenu la plume ?» se demandait-il, qui a pensé à cette phrase. Une autre chose l'intriguait, l'allusion à l'absence des domestiques. Il fit appeler Jean. « Est-il vrai, lui demanda-t-il, que l'hôtel soit seul aujourd'hui ?»« Il le sera du moins ce soir et une partie de la nuit. Pourquoi ?»« Monsieur le duc ne se le rappelle pas ?»« Le second cocher se marie. » »« Tous les gens sont invités au bal. » Monsieur a lui-même donné l'autorisation. C'est juste. Cependant, si la duchesse a besoin de quelque chose... Madame a été assez bonne pour dire qu'elle ne voulait priver personne du bal, que du moment où le concierge de l'hôtel et sa femme restaient, cela suffisait. C'est bien. Après les premières minutes d'emportement, Norbert affectait un grand calme, et la sérénité railleuse d'un homme mis hors de soi par une chose qu'il reconnaît n'en valoir pas la peine. Mais cette attitude mentait. Le doute avait traversé son esprit, douloureux comme une de ces crampes aiguës qui tout à coup sillonnent les chairs. Et on ne discute, ni on ne raisonne le soupçon. Il est ou il n'est pas. Pourquoi, se disait Norbert, pourquoi ma femme ne me trahirait-elle pas? Je la crois vertueuse et attachée à ses devoirs. Mais tous les maris trompés croient à la vertu et à l'honnêteté de leur femme, cela va de soi. Pourquoi ne profiterait-il pas de la vie d'où qu'il vint? Pourquoi n'irait-il pas se cacher là où on disait ? Non, pensait-il ensuite. Non, je ne descendrai pas à cet excès de bassesse. Je serai aussi vil que la misérable qui m'adresse cette infâme dénonciation, si j'acceptais ce rôle d'espion qu'elle me propose. Il s'arrêta. Il venait de s'apercevoir que tous ces gens l'observaient avec une ardente curiosité. « Allez donc à vos occupations !» leur cria-t-il d'un ton terrible. « Éteignez les lanternes et fermez les fenêtres !» Son parti alors était décidément pris. Il tira sa montre, il était 8 heures. « Je n'ai que le temps de courir à Paris, » pensa-t-il. Il gagna en hâte la maison et appela Jean. Avec cet homme, dévoué corps et âme à la maison de Chandos, encore plus qu'à lui, Norbert, dissimulé était inutile. « Jean, » lui dit-il d'une voix brève, « il faut que j'aille à Paris ce soir, à l'instant. » Le bonhomme hocha tristement la tête. « À cause de cette lettre ? » fit-il respectueusement. « Oui. » Qui aura écrit des infamies sur Madame la Duchesse ? Norbert eut un geste presque menaçant. « Comment sais-tu cela ? » ?»« Hélas ! Il n'était que trop aisé de le deviner. Et après les questions que m'adressait Monsieur le Duc, le doute n'était plus possible. « Alors vite, mes habits, et qu'on attelle. La voiture m'attendra devant la porte du cercle, et j'irai moi à pied. » Jean osa interrompre son maître. « Cela ne peut être ainsi, » prononça-t-il. Les gens doivent avoir eu le même soupçon que moi. Dieu sait ce qu'ils diraient s'ils voyaient monsieur s'éloigner. Si monsieur persiste, il doit se rendre à Paris et en revenir sans que personne s'en doute. Pour les gens, il n'aura pas quitté maison. Peut-être as-tu raison, mais comment s'y prendre? Je me charge de faire sortir secrètement un des chevaux de la petite écurie. Justement, Romulus, qui est un de nos meilleurs coureurs, s'y trouve. Je vais le seller et le conduire de l'autre côté du pont où monsieur viendra nous rejoindre. J'attendrai ensuite le retour de monsieur le duc dans quelques cabarets. Soit, mais fais vite. Mes minutes sont comptées. Jean sortit rapidement, et Norbert l'entendit dans l'escalier crier à un domestique. Qu'on apprête quelques mets froids, monsieur le duc soupera. Norbert, lui, entra dans sa chambre à coucher, pour passer un par-dessus et des bottes, et en même temps il glissa dans sa poche un revolver dont il avait renouvelé les cartouches. Il alla ensuite ouvrir la porte de l'escalier de service, s'assura qu'il était désert, descendit et sortit avec la certitude de n'avoir pas été vu. La nuit était noire. Il tombait une petite pluie fine, dense, glaciale, qui épaississait encore les ténèbres et qui avait détrempé les chemins. Le vieux domestique était déjà au rendez-vous avec le cheval. Norbert n'eut qu'à monter en selle. « On ne m'a pas aperçu, » fit Jean. « Moi non plus. Alors tout va bien. Je vais rentrer et faire le service comme si monsieur le duc était dans sa chambre et soupait. Même je mangerai pour qu'on ne devine pas la supercherie. Bon appétit, vieux Jean. » Le vieillard poussa un profond soupir. « Monsieur le duc a-t-il bien le cœur de rire ? » fit-il d'un ton de reproche. « Enfin. Dans 3 heures, je serai dans le cabaret que voici, à gauche. Quand monsieur reviendra, il n'aura qu'à frapper 2 coups au volet du pommeau de sa cravache. Je sortirai aussitôt. Entendu ?» Le cheval piaffait d'impatience et se tourmentait. Norbert serra légèrement les genoux, lui tendit la main. Il partit comme un trait. Jean avait bien choisi. Romulus était ce fameux cheval qui, l'année suivante, vendu au marquis de Sedvere, gagna le grand prix à Epsom. Il allait, le long de la route boueuse, se développant, s'allongeant, le cou tendu, d'un galop régulier et précis, le souffle toujours égal. Et l'imagination de Norbert, surexcitée déjà par les émotions de la soirée, par les apprêts de ce départ furtif, s'exaltait et se montait. Il pressait les flancs de son cheval et exigeait toute sa vitesse. Cependant, lorsqu'il arriva aux premières maisons du faubourg, ses défiances de paysans s'éveillèrent. Si c'était une méchante farce qu'on lui faisait, si cette lettre avait été adressée par quelques-uns de ses amis du cercle, il guetterait certainement le résultat. Il le laisserait se morfondre pendant 2 heures, puis tout à coup ils apparaîtraient, ravis de le surprendre dans la situation la plus ridicule. Que d'éclats de rire ensuite, quelle gorge chaude. « Vous êtes jaloux, duc ?» il croyait les entendre. Cette crainte le rendit prudent. Au lieu de traverser Paris, il suivit au grand trot les boulevards extérieurs et longea les quais jusqu'à l'esplanade des Invalides. Arrivé là, une difficulté se présenta qu'il n'avait pas prévue. Non plus que Jean, que faire de son cheval? Les boutiques de marchands de vin étaient encore ouvertes. Il pouvait entrer chez l'un d'eux, il y rencontrerait un homme de bonne volonté. Mais la supposition d'une plaisanterie absurde étant admise, n'était-ce pas donner l'éveil au mystificateur? Il se demandait si mieux ne valait pas attacher Romulus à un arbre, quand, de l'autre côté de la chaussée, il vit passer un soldat qui sans doute regagnait sa caserne. Il poussa son cheval vers lui en l'appelant. « Vous plairait-il, mon ami, de me rendre un grand service et de gagner 20 francs du même coup ? Tout de même, il ne faut rien faire contre le service. Il s'agirait simplement de tenir mon cheval et de le faire marcher pour qu'il ne prenne pas froid, pendant que j'irai à 2 pas d'ici rendre une visite. Oh, si c'est ainsi, pied à terre, j'en suis, j'ai la permission de la nuit. » Norbert descendit, et après être bien convenu avec le soldat de l'endroit où il le retrouverait, il s'éloigna rapidement. Pour plus de sûreté, redoutant toujours une mystification, il remonta l'esplanade des Invalides, suivit la rue de Babylone, et enfin gagna la rue Barbet de Jouy, où donnait la porte des jardins de l'hôtel de Chandos. Presque en face se trouvait une porte cochère. Norbert se blottit dans un des angles et attendit. Il était alors 10h05. Ce n'est pas sans précaution préalable que Norbert avait choisi cette cachette. Par 2 fois, il avait exploré d'un bout à l'autre la rue Barbet de Jouy, qui est fort courte, et s'était assuré qu'elle était absolument déserte. La supposition d'une mystification se trouvait ainsi à peu près écartée. Restait à s'assurer si la dénonciation était calomnieuse. Il décida dans son esprit qu'il attendrait jusqu'à minuit et que si à 7 heures personne n'était venu, il reconnaîtrait l'innocence de la duchesse et se retirerait. De son poste, Norbert distinguait la petite porte de ses jardins et par une éclaircie, il découvrait une partie de l'immense façade de son hôtel. 3 fenêtres seulement, au premier étage, étaient éclairées d'une lueur pâle, chétive, mystérieuse. Ces 3 fenêtres, il les reconnaissait bien. Elles étaient celles de la chambre à coucher de la duchesse. Que faisait-elle à cette heure? Elle était seule, comme tous les soirs, et sans doute, assise au coin du feu, elle pleurait. Et ce serait là, pensait-il, une femme qui attend son amant? Non, ce n'est pas possible. Si je reste ici plus longtemps, je perds toute estime de moi-même. Pourtant, il restait. Insensiblement, il en était venu à réfléchir à sa conduite envers sa femme. que n'avait-elle pas à lui reprocher? Il l'avait épousée malgré lui, la haïssant, en adorant une autre, et il ne lui avait que trop laissé voir l'état de son cœur. Dès le lendemain de son mariage, il l'avait abandonnée, et si, depuis quelques mois, il lui accordait quelques semblants d'affection, elle les devait, la malheureuse, aux caprices de l'autre, qui lui donnait cela comme une aumône. Qu'un homme entrât maintenant chez lui, qu'avait-il à dire? La loi lui réservait toujours ses droits. Sa conscience ne lui en accordait certainement aucun. Il se tenait alors serré contre le mur, immobile comme la pierre elle-même. Il s'engourdissait. Il lui semblait que sa vie et sa pensée se figeaient. Depuis combien de temps était-il là? Depuis une heure ou depuis dix? Il l'ignorait absolument. Il voulut consulter sa montre. En vain. Il faisait si noir qu'il ne voyait pas même dans sa main. Une demie sonna aux Invalides. Quelle demie! Il songeait sérieusement à se retirer lorsqu'il crut entendre un léger bruit à l'extrémité de la rue. Il prêta l'oreille, avançant la tête pour mieux écouter. Il avait encore les sens parfaits du paysan, de l'homme qui a vécu seul au champ. Il était difficile qu'il se trompât. C'était bien le pas d'un homme qu'il entendait. Mais ce pas n'était point net et décidé comme celui d'un homme qui va où il a le droit d'aller, qui rentre chez lui, par exemple. Il était timide, ce pas, indécis et comme furtif. Norbert croyait deviner l'homme qui frémit en songeant qu'il est peut-être suivi, et qui hésite, qui sonde le terrain, qui à chaque enjambée regarde de tous côtés. Était-ce donc celui qu'il était venu attendre à tout hasard? Bientôt il distingua comme une ombre qui glissait le long de la muraille, de l'autre côté de la rue. Arrivé en face de la petite porte du jardin, l'ombre s'arrêta. Il y eut un temps d'arrêt. Puis il lui parut que l'ombre faisait quelques mouvements. Il entendit un choc qu'il ne s'expliqua pas, et tout disparut. Mais le bruit sec d'un pêne retombant sur sa gage lui apprit que la porte avait été ouverte et refermée. Un homme venait d'entrer. L'incertitude n'était pas possible, et cependant Norbert voulait douter encore. Il est de ces faits si inouïs, si invraisemblables, qu'on ne peut se résoudre à les accepter, qu'ils ne peuvent entrer dans l'esprit, qu'on accuserait presque ses sens d'erreur. Si c'était un voleur, pensait-il. Mais un voleur aurait des complices. Pourquoi cet homme ne viendrait-il pas pour quelques femmes de chambre? Mais tous les gens étaient absents, tous. Cependant, il ne perdait pas de vue les fenêtres de la chambre de sa femme. Au bout d'une minute, elles s'éclairèrent plus vivement. On venait soit de relever l'abat-jour de la lampe, soit d'allumer une bougie. C'est une bougie qu'on venait d'allumer, car presque aussitôt il en vit la clarté aux fenêtres du palier, puis à celle du grand escalier. Il fallait bien se rendre à l'évidence cette fois. C'était un amant qui venait d'entrer. La duchesse l'attendait, il avait dû faire un signal convenu, et la duchesse allait au-devant de lui. Norbert n'avait plus froid maintenant. Sa tête brûlait, son sang bouillait dans ses veines, le brouillard glacé lui semblait les vapeurs d'un brasier. Comment punir les misérables qui outrageaient son honneur? Quel châtiment trouver proportionné au crime? Tout à coup, il poussa un cri. Une idée infernale venait de traverser son esprit et il l'acceptait comme une inspiration divine. Il courut à la petite porte et, forçant la serrure à l'aide de la crosse de son revolver, il se précipita dans le jardin.